24. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap. Maître Gims. Maître Gims avec nous, passez une bonne soirée, bienvenue. Le Planet Rap, c'est jeudi soir. Yes. Maître Gims, comment ça va? Ça va, très bien. Bien, en pleine forme. Mon cœur avait raison, toujours dans les bacs évidemment. Toujours dans les bacs, mon cœur avait raison. Ce serait dommage qu'il n'y soit plus, hein, parce qu'il est à peine sorti une quinzaine de jours. Ce serait dommage, ouais. C'est cet Tout album. Se passe bien pour le moment. Et ce soir, une grosse soirée encore. Encore une grosse perspective. Soirée. Ce soir, avec des invités. Hier soir, il y avait l'artiste qui est passé, nouvelle signature de Monstre Marin. Ouais. Et donc ce soir, un petit tour de table rapide. Qui va être présent à tes côtés ce soir dans l'émission? Alors ce soir, on a Jelas. Le grand frère de la Jelas Family. Ça, c'est le grand frère. Voilà, lui, c'est le grand frère. Ça, c'est le grand frère. Voilà. Ouais. Ensuite, suivi de X-Gangs. X-Gangs. Voilà, qui est là, qu'on connaît déjà. Qui est le vrai X-Gangs. Hein, c'est qui est le vrai ce soir. Vrai, là, ce soir, ouais, c'est le vrai. Laissons les clones à la baraque. Le cloné à la maison en train de préparer à manger. Parce que X-Gangs a été cloné. Alors, en combien d'exemplaires? Franchement. Au dernier recensement? Non, 5, ouais. Ce qui est déjà pas mal. Il y en a 5. Et puis d'autres invités aussi. Donc ce soir, plutôt axé sur la Juna Family, hein, qui est le projet. Il y a déjà une petite amorce sur cet album, comme il y avait aussi sur Subliminal. Hein. Exactement. Il y a un morceau qui s'appelle Mayweather. Là, il y a un morceau sur ce projet-là, Mayweather. Et puis on va parler donc de la famille rassemblée, de tes frangins. D'où ça part un peu, etc. Et d'où ça part, on va en parler ce soir. Mais juste avant, on débute comme chaque soir avec le morceau Brisé, c'est parti? Brisé, c'est parti. Version Skyrock. Allez. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Vois-tu comment le diable est habile? La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce Brisé en version Skyrock à l'instant avec Maître Gims. C'est extrait de Mon cœur avait raison. Bah, quand toute la famille se retrouve, c'est bruyant, hein, forcément. Ouais, bah oui, ça discute. Sympa. Famille nombreuse. Pas tout le temps toujours réunie. La Juna famille est nombreux, hein. Ouais. Pas mal. Nombreux, nombreux. Et donc ce soir, alors, on commence par qui parle grand frère. Bah, je vais introduire avec Jelas, qui est le grand frère. Si tu veux. Si tu veux, il nous a un peu initié, il nous a un peu mis dedans. Moi, je me souviens à l'époque de Wu-Tang, Mobb Deep, Bone Thugs. Ouais. C'est lui qui me montrait les vidéos. Tu te rappelles, c'était sur des émissions Space, ouais, sur MTV. Sur MTV, etc. Les Yo, MTV Rap. Exactement. C'est à ce moment-là que je découvre la musique, qui me fait découvrir un peu le rap, etc. Et c'est lui qui m'a mis dedans. Donc, je voulais un peu raconter ça sur Sky aujourd'hui à toute la France. Donc, il m'a mis dedans. Je suis tombé amoureux du rap. Et avec X-Gang, c'est. Bon, c'est faut dire aussi, alors que toi, tu fais partie d'une famille de musiciens aussi. Exactement. Donc à l'origine, il y a aussi ça. Et puis le rap, donc, arrive voilà, au milieu des années 90. Ouais. Exactement. C'est les premières claques. Tout petit, exactement. C'est les premières claques avec le Wu-Tang. Wu-Tang, Mobb Deep. Exactement. Ouais. Tout ça. Et toi, tu faisais quoi? Tu faisais aussi de la musique ou t'étais plutôt auditeur? Non, moi, j'étais à fond dans la musique, en fait. J'ai commencé vraiment la musique. J'ai commencé, mes petits frères, ils étaient là derrière. Ils regardaient leurs grands frères en train de faire de la musique. Jouaient games, souvent, ils me suivaient au studio. Tous les petits étaient là derrière. Oui, le grand frère il fait un peu de son. Je chantais en fait. J'étais plus chanteur que rappeur. Donc je chantais. Et puis mes petits frères ils étaient derrière. Ils suivaient tout et tout. Fan. Et puis voilà. En mode fan, ouais. Fan. Et partout ils étaient là tout le temps. Comme bon, là. Est-ce que tous étaient attentifs ou il y en avait un en particulier où tu disais celui-ci Écoute, même Gim, je l'ai pas vu venir tout de suite. Tu l'as pas vu venir? Ah non, je l'ai pas vu venir tout de suite. C'est vraiment après. Tu vois, au début, je le voyais, il rappait, il faisait ses trucs, c'était mignon, gentil, tout et tout. Mais tu vois, on se disait, non, jamais ça va devenir sérieux. Mais un jour, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, mais écoute, il faut que tu me présentes telle personne. Je l'ai senti, il était déter. Donc, je me suis dit, bon, là, il est. Mais il commençait à être chaud. Ouais. Et puis, quand je l'ai vu avec ses potes, il venait à la maison. Parce que ça commençait de là, en parallèle, tu rencontres bah, certains membres qui vont ensuite rejoindre la section d'assaut, donc c'est à ce moment-là. Ouais, bah, il les a tous vus, hein, JR, il les a tous vus. Bah, en fait, j'ai vu comment tout s'est fait chez moi, quoi, vraiment à la rue Mira. Quoi. Section d'assaut, Dawala, tout le monde, ça s'est fait vraiment à la maison. Donc à la maison. Donc il venait à la maison, je leur laissais les clés. C'est un truc de fou. Je lui ai fait la misère. Laisse-moi les clés, j'arrive à telle heure, laisse les clés en dessous du paillasson. Et toi, j'arrive. Tu laissais. Moi, je laissais, donc ils venaient, ils faisaient leur son, tout. Je rentrais le soir, j'étais fatigué parce que je travaillais aussi à côté. Donc après, c'était devenu, voilà, jusqu'au jour où ça a vraiment marché. Quoi. Est-ce que tu te souviens, oui, justement, d'un morceau en particulier qui t'a ramené où tu t'es dit, putain, il est fou? Oui, ils avaient fait un morceau à l'époque qui s'appelait Tectonique. Ah, bah oui, mais oui, mais bien sûr. Ouais. C'est à partir de là que j'ai commencé à voir. Il y avait même un clip d'ailleurs sur tout le monde parler de section d'assaut, machin. C'était devenu vraiment un phénomène. Ça commençait à partir de Tectonique. Et après, par la suite, il y a eu d'autres morceaux. Quoi. Bon, je suppose que tu l'as vu aussi évidemment en tournée. Oui, bien sûr. Tu l'as suivi en studio. Oui, on est toujours ensemble. Est-ce qu'il t'impressionne? Il est devenu très fort. Très, très, très fort. Ouais, je m'attendais pas à ça. En tout cas, je suis très, très fier. Je suis très fier de tout le monde, de tous mes frères. Surtout Gims, on est très très fiers, très très fiers de lui parce qu'on arrive de loin. Malgré tout ce qu'on a eu, on ne savait pas du tout qu'on allait derrière. Donc on est très fiers que la musique ça a réussi parce que tous les frères étaient dans la musique, il fallait bien qu'il y en ait un qui s'en sort. Parce que sinon c'était la daronne, elle allait nous tuer. Je te jure que des musiciens. Donc quand Gims est arrivé, franchement. C'est énervant de voir des gens chanter comme ça. Donc on est très très fiers de lui et puis bon là, on part sur notre projet maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a un projet donc qui arrive qui s'appellera la Juna Family. Ouais. Exact. Donc c'est plutôt pour 2016 a priori. Exactement. Et c'est quoi? Il y aura des combinaisons entre vous? C'est il y aura ça, des solos à un moment. Il y aura des combinaisons, ouais. Des combinaisons. Ouais. Des combinaisons entre Beijing, Jelas. Et bah, on peut peut-être. Gangs, bah, tiens, non, ça va être intéressant. Jelas, comme t'es là, comme t'es le grand frère, tu vas peut-être dire aussi un mot sur regarde, les deux qui sont là au micro, que ce soit X-Gang, que ce soit Magic. Bah, X-Gang, dans l'ordre. On connaît déjà X-Gang, on connaît un petit peu, c'est très agressif, très. Ouais. Il a toujours gardé son. C'est gang. Depuis qu'il est petit. Il est authentique, lui. Il n'a pas changé. Il veut pas changer, il veut toujours son jean. Magic, il est toujours là entre. Tu peux pas le mettre dans les grosses marques, machin. Il veut pas mettre des agentis, des machins, il veut pas. Non, reste classique. Il reste classique. Il a pas changé, X-Gang. toujours il est survêt, gang. Machin. Voilà. Gang. Je suis un mec à l'ancienne. C'est un mec à l'ancienne. Et puis Belgique, pareil. Belgique, c'est toujours le petit peu. Moi, je suis le plus petit, moi, en fait. Voilà, c'est le plus petit. Toi, t'es plus. Moi, je suis le plus petit. Dadju, il est plus grand que moi. Il y a Dadju. Oui, il y a Dadju aussi. Il y a Dadju. Dadju, et voilà. Et Dadju, pareil. On le connaît ici déjà, Dadju. On le connaît aussi. On le connaît. On salue d'ailleurs Dadju qu'on a. On a acheté le petit peu. Insolent, il se rappelle. On était là, rue des Paradis. Même un saut, voilà. Tout ça avec ma couche. Mais un saut, c'est un frangin en plus. C'est un autre frère en plus. C'est un autre frère en plus qui s'est rajouté dans la famille. Depuis qu'on est petit, il est tout le temps à la maison. Il vient. Je le vois souvent avec Games. Il venait jouer, chercher Games. Ah, un saut, c'est vrai. C'est comme je disais. Voilà, c'est comme je disais hier, c'est exceptionnel. Tu veux dire quelque chose peut-être, Anso? Je te vois là. Est-ce que ce soir tu as quelque chose à ajouter? Un bail. Il non, aime trop le faire parler. Moi j'étais là, j'étais d'un côté, tu vois. J'étais dans mon quartier, tu connais. On voit une famille de Z. Il y a que des malliers à la base. Anso, je t'ai dit, ça venait toquer chez moi, il faisait des bêtises. C'est chaud, ma daronne allait chez eux. Sa mère, elle venait toquer chez moi. Est-ce qu'il est là? Il est où? Faut l'engueuler, il faut lui parler. Il va pas à l'école. Et puis c'est bien parce qu'il donnait de la force à l'époque. Je le voyais souvent, il me suivait quand je faisais du son. Il était à fond, il était là, ouais, machin, Jelas, nanana. Et à chaque fois, ils ont vraiment donné de la force à l'époque. Rue des petites écuries, studio bleu. Les blazes, les adresses sont lancées. Bientôt, il y aura des tours qui vont être organisés. Suivez le parcours de la Juna Family qui va s'arrêter un des peu. Jeux de société, des jeux de société. Case départ, toi. On a entendu la rue Mira tout à l'heure. Voilà, d'ailleurs, on peut avoir une pensée pour la rue Mira parce que t'as oui, évidemment. Ouais, avec le, j'ai vu dans les infos ce qui s'est passé. Une catastrophe qui s'est passée il y a quelques jours de ça avec un immeuble qui a fondé. Grosse pensée aux familles. Ouais, ça nous a beaucoup touché. En plus, c'est vraiment dans notre rue. C'est dans la rue où on a vraiment commencé. Et donc, une grosse pensée à ces 8 membres. Je crois qu'ils sont pas de la même famille, mais en tout cas, c'est 8 personnes. Et peu importe d'ailleurs. Voilà, on souhaite beaucoup de courage à leurs proches. Ouais. Vous avez certainement suivi ça aussi, malheureusement, l'incendie de la rue Mira et de cet immeuble. Bien sûr. On va mettre un petit morceau. On reviendra d'ailleurs sur le parcours de la Juna Family qui continue. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Le Sapé? Est-ce qu'on met le Mayweather? Et qu'est-ce qu'on met, Gims? Qu'est-ce qu'on peut se mettre? On garde un petit Mayweather. Ah, Mayweather. Ouais, mettons Mayweather. Parce que c'est, ouais. Voilà, c'est la Juna Family. C'est un morceau que vous retrouvez d'ailleurs sur la pilule rouge. Pilule rouge. Pilule rouge de l'album Mon cœur avait raison. Maître Gims, c'est la Juna Family. C'est ça. Ferris. Ouais. Nos coups vus. Gauche droite fait hasard. Gauche droite fait hasard. Aucun signe de vie. Je crois qu'ils ont pris la fuite. Je vais refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2, 2. Refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2, 2. Gauche droite fait hasard. Gauche droite fait hasard. Aucun signe de vie. Je crois qu'ils ont pris la fuite. Dans je vais refaire tour 1, 2. Refaire tour 1, 2. Je jump Oscar de la Hoya. Faire des consommes Tony Sosa. Retourne en pression, il est trop loin. J'passe des brigands, mandat. J'ai la musique dans la peau. Mon cœur noir, c'est dans ce monde. Sous ma capuche, tourne en rond. Le voile se lève, en compte. J'écris des 16 pour ses bombes. Tous mes lyrics deviennent sombres. T'entends mes peintures, les ondes. Au premier rond, tu t'effondres. Oh, X-Gangs, ce type, je viens lire ça à la prod. On s'y laisse bosser, coucou, j'fuck la prod. Ma voix te fait froid dans le dos, comme le pro. Tu pipes le gras, ta pète arrive plus haute, t'es gras, t'es pas les gras. Comme un contrôle, je me gras, je viens yogra. Je paye abscétis gras, nique ton de gras, t'as bien entendu ton de gras. L'eau qu'on les piégé dans nos ringani, sans jasso, ni traquons les. Jusqu'à les piller, sans garder la monnaie. Privons les de leur liberté, car ils aiment déconner. Vaquons les psychologiquement, ils seront étonnés. Aucun signe de vie, j'crois qu'ils ont pris la fuite. J'vais refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, 2. Refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, 2. Gauche droite fait hasard, gauche droite fait hasard. Aucun signe de vie, j'crois qu'ils ont pris la fuite. Mais j'vais refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, 2. Refaire tour 1, 2, refaire tour 1, 2, 2. Ton ordi t'envoie des coups de pression par mail. Tu mets les charges, une paire de couilles, tu finiras seul dans la corbeille. Je suis posé au cœur du bendo, dans une nord. Ouais, je les raye. J'ai rien vu, rien entendu. Rien à part le chant des sirènes. Mais non, poteau, c'est normal. Moi j'aime bien quand ça rafale. Les deux Biba, diesel, coco, je crois que Paris, c'est bon, dalle. Audio, c'est normal, moi j'aime bien quand ça rafale. Biba, diesel, coco, je crois que Paris, c'est bon, dalle. C'est tous les jours la même merde, les frères se perdent à la recherche du phobi. Toujours le même problème, le point faible, c'est la largeur du legging. Belleg, avec qui tu traînes, avec qui tu kennes, et les Barbies se déguisent. Les gars, va qui ne répondent guère, en temps de guerre, on sait quoi faire, c'est négus. Quand je passe, tu guettes en bas, je brûle mes feux comme un sapologue Zahiro. Et ne t'inquiète pas pour moi, j'ai des hits pour indéfini, ça ira. Dis bonjour marchand d'armes, nigga, tu n'as pas idée de ce que signifie Jonah, nigga. 23, tu me reconnais, moi je te connais pas. Tu dis que j'ai changé, t'aimes trop les parts, va te faire enculer. Tu fais le warrior devant tous tes gars, elle tient tes couilles, t'as aucun pouvoir, rester moi, tu m'évoles. Tu me parles de pas de beau, l'humilité t'empêche de finir comme Bad Boshi. Du bif, si elle trouve que t'es pas beau, tu te vois la face, elle te mène en bateau. Et si je tremble, ce n'est pas la peur. Toujours en direct du Black Pearl. Est-il un chanteur ou un rappeur? L'amour est aveugle comme une arme. Mais ça va toi, ferme-la quand le king parle. Ça mène quelque part, peut-être même dans un king park. Ma petite sœur protège ton petit cœur. Johnny Mad Dog à bord de son pick-up. C'est un freestyle, n'est-ce pas? C'est un cycla, c'est la secla. Vieux con, demande à rite pas. Ne l'écoute pas, on te revoit. Si t'es rabat, laissez des pattes comme part. Je les rate pas. C'est 9ème Z, les ambiances, on les zemzem. Fais-nous deux as, si t'as 7, tu dis zemzem. Je suis à l'antenne, ça tourne, espace Schengen. Toi t'as pas de van, pizza, t'es Goudengen. On te respecte si tu parles le Wenzu. On te regarde si tu danses le Wenge. On te désarme pour de vrai à la Denzel. Et ça frappe fort, forcément à la Denzel. Marre de taper pour un état qui s'en bat quasiment les couilles de ta façon de voir les choses. Personnellement, je suis dans les choux, regarde ma gueule. Est-ce que j'ai l'air de vouloir proposer mon boule? Dites à la juge de Bobigny que c'est conseil, moi je m'en crois que mon néglige, mais tant pis, y'a pas de galère. Je vais passer des sous-lors, c'est ben, ça va péter petit à petit. Peut-être qu'on va se parler, peut-être même qu'on va caler. Mais allez, je dis que merde, façon, on va tous y passer. Waouh! Ah bah, j'étais pris dans le morceau là. J'étais pris dans le morceau avec toute la famille, la Juna Family. Lourd. Très lourd, hein. Yes, très, très lourd, ça monte encore d'un cran, même un par rapport très très bientôt, même par rapport au précédent d'ailleurs. C'est encore un cran de. C'est un cran au-dessus. C'est un cran au-dessus, celui-ci. On a tout le monde, on a fait le son tous ensemble, on est au studio tous ensemble. Il y a une synergie. Voilà, la synergie. Bon, et là, alors, qui bosse concrètement sur le projet de Juna Family? On en est où concrètement? Vous avez choisi déjà des sons? Il y a des titres, il y a des trucs en chantier encore, tu vois. Il y a des titres. J'ai écouté moi un titre vraiment fini avec Dadju dedans, refrain et tout. Il est sale. Très lourd, très très très lourd avec un gros refrain de Dadju. Il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver. Chacun bosse un peu de son côté, chacun présente ce qu'il a à présenter, chacun propose, tu vois. Ça, c'est vraiment un travail en famille, en équipe. Et il y a aussi ce côté forcément, voilà, comme toi évidemment, t'es en avant. Il y a un énorme carton, un énorme succès. Il y a forcément, voilà, une envie aussi de bien faire, de. Oui, bien sûr. Moi, voilà, moi je suis un peu le dolly, comme on dit, le mec relou. Je suis là, je suis surtout là aussi, tu vois, pour non pas pour bouffer les gens, tu vois pas. C'est pour ça que dans ce projet-là, je suis pas là pour les bouffer, pour me mettre sur les refrains, pour faire le machin. Je suis là pour donner une possibilité d'amener le projet loin, tu vois pas. Parce que voilà, ça marche comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche, c'est le business et l'industrie. Je suis là pour que le projet aille jusqu'au bout, qu'on puisse retrouver les sons en radio, dans les bacs, quoi, que les choses se passent, que le projet atteigne sa cible. Voilà pourquoi mon rôle dans ce projet-là. Et est-ce que t'es aussi, entre guillemets, surpris par l'un des membres de la Juna Family? Est-ce que t'es agréablement surpris? Agréablement surpris de la progression de tout le monde. C'est vrai. Bien sûr, on bosse depuis pas mal de temps et nous, on se dit les choses franchement. Ouais, c'est des vrai fois, on n'est pas d'accord. C'est vrai qu'on s'embrouille beaucoup en famille. Bah, on s'embrouille pas mal. C'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires de famille ou pas? C'est gentiment. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. D'accord sur ça. X-Gang, il va pas être d'accord sur des trucs à ce que je fais. Il me le dit, tu vois. Il me dit clairement, ce morceau, il est pourri. Il m'a dit, il y a des morceaux, franchement, il est pourri celui-là, j'aime pas ma chance. Il donne son avis, tu vois, c'est vraiment dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là. Mais c'est pour avancer, quoi. C'est la bonne critique. C'est la critique constructive. Exactement. Voilà. Ça vient du cœur, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ouais, j'allais vous dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de honte à se dire forcément les choses. Ouais. Même vous, d'ailleurs, par rapport à Gims, est-ce qu'il y a certains morceaux, que ce soit sur l'album, dernier album, vous dites bon. Non, il y a des morceaux que j'aime, il y en a que j'aime pas. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, l'album, c'est un très bel album, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire elle a vraiment mis les gens d'accord. C'est-à-dire côté kickage, les rappeurs, ceux qui aiment le kickage, qui aiment kicker, celui qui n'est pas d'accord, qui vient me voir. Mais maintenant, côté tout ce qui est, maintenant, tout ce qui est côté variété, R&B, chant, tout ça, le chanteur qui n'est pas d'accord, qui vient me voir aussi. Parce que là, franchement, c'est, il a donné du lourd. Ah, c'est vrai que là, vous demandez X-Gangs hein, ouais. pour les réclamations, X-Gang, je crois voilà. que c'est X-Gangs. X-Gang. X-Gang. De toute façon, s'il me loupe, il tombera sur mes clones. Il y a du monde. On ne peut pas me louper, on est là. Il y a du monde. Si l'on a loupé un, ils vont choper l'autre. Il va choper les autres qui sont là. On est, bon, on est cinq clones autour. On va revenir dans un instant. Quel morceau on mettra, le sapé comme jamais? Avant, non, j'aimerais bien mettre Richard Mille. Ah, yeah. Richard Mille. Et finir après peut-être sur un sapé. Richard Mille en featuring avec le véritable Inso. Inso, voilà, qui est là avec du roi. Nous. Et qui est de King's Hand. Ne bougez pas, c'est dans un instant où vous êtes en freestyle. La roulette qui va tourner aussi 41-759. On vient avec Maître Gims et la Jonah Family juste après. L'émission rap de référence Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap. En direct avec Fred sur Skyrock. Hey. C'est l'émission rap de référence Planet Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen, ce soir, Planet Rap. Maître Gims. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Maître Gims. Mon cœur avait raison avec la Juna Family. Avec la Juna Family. Avec les frangins qui sont là. Il y a Belgique, il y a X-Gangs. Franjo. Jelas. Jelas avec nous. Qui n'est pas là. Dadju ouais, aussi. Qui nous écoute. Et je vais placer un petit truc, il y a Darcy aussi. Ah, et l'Inso. Du trône. L'Inso aussi. Darcy, le Darcy juste derrière. L'héritier. Le flic. Bon, pour les frangins de Gims, est-ce que c'est galère d'avoir justement maintenant un frère qui s'appelle Maître Gims? Quand oui. on l'a connu Gandhi. Oui, oui, est-ce que oui c'est galère. Est-ce que c'est une galère d'avoir un frangin qui s'appelle Maître Gims? Des fois c'est bien, hein, des fois c'est. des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Non, c'est vrai, il y a ce côté-là parce que forcément la vie a forcément changé aussi. Exact, ouais, pour nous tous ça a changé. Hein. Son succès, ça nous a tous un peu atteints, tu vois. Ça... Moi en plus, comme je suis son grand frère, on se ressemble un petit peu. Souvent les gens, il se fait que tu mettes des lunettes, des gens, ouais, voilà, il y a Gims. Ce machin, t'es obligé de te justifier. Ça peut être pratique aussi parfois. Ouais, non, parfois je l'utilise. Ouais, parfois c'est pratique. J'en profite parfois. C'est vrai, on a vraiment mais parfois, c'est pas pratique. Paris, là. C'était dingue. De quoi on était posé au théâtre de Paris pour le concert Vortex. Il est sorti avec moi de devant. Il a ses lunettes. Je me suis dit, c'était Gims. Oh merde, il est là. Ouais, voilà. Ah, ben il est là aussi. Il est partout. Après, il faut se justifier. Non, c'est pas moi, c'est son frère. Oui, mais comment ça? Il a combien de frères? Oui. Bon, c'est famille nombreuse. Bon, après, c'est. Je crois que c'est un problème. La barbe et la casquette. Ouais. T'es un Renoine, t'as ouais, une barbe, tu mets des lunettes, t'as plus le droit. Ouais, c'est tendu. Chaud, hein. C'est désolé, tendu, les gars. C'est tendu. Ah, désolé, les gars. Je te jure, mais à chaque fois que je tombe sur un Renoine comme ça, il a une barbe, tu vois. Il me dit, mais j'en ai marre, quoi, Gims. Parce que je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Il faut faire quelque chose, et c'est ouais, vrai. Que... C'est bon. Bon, alors tu rases la barbe quand t'enlèves les lunettes. T'imagines, je rase la barbe. T'enlèves les lunettes. C'est bizarre. C'est bizarre. Imagine, j'enlève mes lunettes, je rase ma barbe. Une autre carrière sur le troisième album. Je reste le même. Ça se trouve une autre carrière. C'est un nouvel artiste. Un mec qui arrive. Ouais, je te jure. Nouvel artiste. Mais je te jure, je rase ma barbe, mais c'est ça y est, on me reconnaît plus. Mais en même temps, les lunettes, c'est vrai que tu les as eues quand même depuis le début. Mais est-ce que maintenant, c'est aussi un peu une arme pour se protéger un peu pour. Ouais, quand même. Bah, tu vois que quand je les ai pas, c'est plus simple. On me reconnaît beaucoup moins, vraiment. Ouais. Je peux me fondre dans la masse. Si, quand même, on me reconnaît. Quand même. Après, c'est vrai, ouais, c'est vrai. À Châtelet, je vais te cramer dans des coins vraiment. Tu vois les coins tendus. Les coins tendus. Mais à Châteaurouge, ça va, tu vas passer c'est normal à Châteaurouge. Ça cherche le butin. On a les premiers morceaux juste avant la pub, on le balance maintenant sur Skyrock. Yes, Richard Mille. Richard Mille, l'Inso. Yelatif à la prod. Le véritable Yelatif. Ah, le fameux Yelatif de Crossval. Yelatif de Crossval. Décidément, il est partout. Alors balance le morceau. Vise dans le mille comme Richard. Dédicace à mon refrain, me casser à fond. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Ceux qui ont pris des décennies te diront qu'à la maison d'arrêt de freine, rien à fleurir. Le type me dit que sa cocaïne est tellement blanche que dans la nuit noire elle éblouit. Bienvenue dans un monde où le désespoir ne s'avise pas plus aucun job à la mairie. T'es mort dans le film, l'expert c'est exactement où les spermatozoïdes ont atterri. T'inquiète pas pour moi, la famille te fait pas de bile. Ne mets juste pas tes lèvres quand tu fais la bise. Tease à ma tête, sans pour tout ce que je vise. Anticipe, analyse comme Richard vise le mille. J'étais à Kinshasa, le jour de l'attentat à Madrid, enfoiré, j'ai un alibi. Que Dieu me préserve de mourir humilié, frustré, tout comme le chef de la Libye. Un petit lobby dont mes femmes se pensent supérieures à la norme, malin et rusé. Mais seulement 2% d'entre eux mourront. Sans rouge. Une larme comme Hussein, t'as pris des risques en traversant la Méditerranée, tu forniques sans être soupçonné. À la recherche de quelques femmes discrètes qui ne parlent pas, qui ne louvent que pour sucer. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Le temps c'est de l'argent, je ne porte pas dans mon cœur mais sur le poignet. J'avance dans la luxure, les yeux bandés, est-ce que vous me voyez? 95D, Ferrari 9, terminé, fuck le salaire à mille feuilles. Ils en ont trop dit, buffé, ok, je vais les crever. Ils font les gonfler, je serais pas choqué de les voir ramper pour un billet, vendre leur remède. J'arrive comme 700 kilos d'argent excédent devant les portes de l'Occident. Y'a rien à dire, Rico, je suis excellent. C'est bien sur mon 11 que ton mec j'adore. J'avance dans le game en boitant Caliba, la main droite dans l'autre un cocktail. Je veux un gros gamos, fuck la open. J'suis la preuve que le talent paye. J'mets que du sale, on m'apprécie. J't'enfonce mon slash dans la WC. J'te la rate surface comme la WC. Tu cherches de la dope, c'est par ici. Ego, monter dans le bolide. Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, voilà ce que les femmes veulent. Richard Mille, Lamborghini, voilà ce que les hommes veulent. Grosse poitrine, ventre plat, y'a voilà la, y'a la, y'a la, y'a la, Richard Mille, Richard Mille, voilà ce que les hommes veulent. Voilà, voilà ce que les hommes veulent. Dédicace, tous les gars vos placards. Richard Mille, grosse poitrine, grosse poitrine, grosse poitrine, grosse poitrine, voilà ce que les hommes veulent. Voilà, voilà ce que les hommes veulent. Richard Mille, Richard Mille, Lamborghini, Lamborghini. Voilà ce que les femmes veulent. Voilà ce que les femmes veulent. Maître Gims, yeah. À l'instant, l'inso Richard Mille. Rachel Mille, vise dans le mille comme Richard. Richard Mille, qui est une marque, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, de montre suisse. De Suisse de luxe. Voilà. Très grande classe. Très grande classe. Dédicace à Richard Mille. C'est une Richard Mille que tu portes d'ailleurs ou pas, Gims? C'est une Richard Mille. Richard Moll. C'est la Richard Moll, celle-ci. Pas mal aussi. Bon, entre 20h et 21h, le Planète Rap avec Maître Gims, Mon Cœur avait raison, avec la Juna Family. Ils sont là pratiquement au complet. Tous ceux qui sont artistes au sein de la famille, il y en a. Hein. Il y en a beaucoup d'artistes. Voilà. Et là, j'ai voulu présenter ce soir Jelas, X-Gangs. Un peu plus dans l'intimité. Voilà. Et après Belgique, on s'arrête ou il y en a encore d'autres qui arrivent après Belgique? Après Belgique, pour l'instant, on a le petit Darcy. Ouais. Le petit fameux Darcy, policier, tu te rappelles? Je crois qu'il est dans la police. Non, non, le petit Darcy, son histoire du c'est plus jeune un peu. Ouais. Il n'a pas encore le virus jeune. Encore. Là. Si tu veux, moi je surveille, je ne veux pas qu'il rentre dans la musique. Ouais. Moi, une fois, il est venu me voir, il était encore plus jeune que ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire toi, Darcy, plus tard? Il m'a dit, je veux devenir astronaute. Tu te souviens quand tu m'as dit ça, Darcy? Il m'a dit, mais avec quel âge? Il devait avoir 13 ans. Il dit, ah, tu veux devenir astronaute? Ah, c'est bien ça. Je me suis dit, bah tiens, ouais. on va le pousser là-dedans. T'avais posé cette question d'ailleurs à Gims à l'époque ou pas? Tu lui as demandé ce qu'il voulait faire? Bah écoute, moi, non, je lui ai jamais demandé, mais. Gims ou X, en fait, ils étaient comme moi un petit peu. On dessinait à l'époque, nous, on était vraiment des dessinateurs. On dessine tout, on a tout ça aussi. On a tout ça, on dessine, mais on faisait des bandes dessinées. Bah, d'où vient le nom Gims, X Gang, tout ça? C'est des bandes dessinées. Ouais, voilà. Ça vient là-dedans. On s'est inventé des rôles. Voilà. Tu sais qu'il y a beaucoup, de gens qui veulent savoir d'où viennent nos blazes, en fait. Ouais. Mais c'est ça, c'est cette histoire, en fait. C'est vraiment la passion de la bande dessinée. Exactement. D'où vient le nom de Gims? C'est les mangas, c'est tout ça. En fait, moi, mon blaze, c'est le plus marrant parce que, à ce qui paraît, moi, j'étais petit, tu vois, j'étais bébé. J'étais un bébé dans une poussette magique. Ça, voilà. D'où vient le Belgique en fait? Bébé magique. Voilà, Belgique. Tout simplement. Belgique. Voilà, et c'est souvent Jelas qui nous donnait nos blases comme ça, on était dans des délires. Mais lui, je l'appelais X parce qu'il était comme Malcolm X, il aimait trop les trucs Malcolm X, machin, tellement qu'il kiffait. Bon, le point levé. Voilà. Ouais, grave, toujours. Et Gims, il était à fond dans mes bandes dessinées, il se prenait toujours pour Gims. Il y avait un héros que j'avais inventé qui s'appelait Gims, donc il kiffait tellement le héros. Au final, bah, je l'appelais Gims. Et Maître Gims. Et voilà, okay. Il a rajouté le maître. Maître Gims. Ouais, voilà. Il voulait être le maître, donc c'est parti de là. En toute modestie. En toute modestie, évidemment. Bien sûr. Bon, dans un instant, on va remettre un morceau extrait de l'album Mon Cœur avait raison. Quels sont d'ailleurs un petit top 3 de vos morceaux préférés de ce double album? Cet album, moi, mon top, c'est J'aime bien saper comme jamais. Ouais. Ça, c'est vraiment ça, ça m'ambiance bien. Moi. Ah, ça, c'est ça. Tu le mets, c'est tout le monde a envie de se lever voilà, dans ce Voilà, exactement. Ah, il est bon celui-là. Mais moi, mon préféré, c'est un Star Wego. Celui-là, je le kiffe. Bon choix aussi. Moi, je le kiffe celui-là, je sais pas pourquoi. Il parle. Je sais pas. Quand je l'écoute et tout, tout de suite, je me mets le drap et tout, c'est moi, Zoro. Direct, Zoro, c'est moi. Eh ouais, celui-là. Et celui-là, je monte sur le canapé, j'ai saute, mais bon, je m'écrase pas. Après, ça, c'est un autre délire. Non, il est lourd celui-là, j'aime bien. Bédique. Moi, c'est cadeau. Cadeau. Cadeau. Dès le jour où il a fait, j'étais présent à l'instru et tout. Ouais, t'es là. J'ai dit directement, c'est celui-là. C'est celui-ci. D'ailleurs, il a participé à la réalisation. Eh bien, il va falloir choisir parmi tous ces choix par proposer, Gims. On va mettre un Saluego. Hasta luego. Ouais, dans un instant, juste avant, je vous présente Roms. Roms qui nous appelle de Paris pour le freestyle par téléphone. Salut, Roms. Salut, salut, comment ça va? Salut, bah, écoute, Maître Gims. Salut, toute la gars. Team. Toute la Juna Family avec nous. Toute la Juna Family. Big up, les gars. Big merci, up. Merci, frère. Bon, Roms, tu es prêt à rapper? On est prêt. Allez. On est prêt. Okay. C'est a cappella. Eh ben, on y va, c'est parti. C'est sur freestyle a cappella par téléphone. Year 1. Souvent, je me comprends pas. Je suis vide, je prends du recul sur moi. J'inspire et me dis, où suis-je dans ma vie? Qui suis-je dans tout ça? Un sourire, une larme, la peur, la joie, une émotion sur un visage. Une satire, un exemple, des valeurs, une raison pour mon entourage. J'ai un problème avec moi-même, au fond je ne sais pas qui je suis. Trop de questions que je sème, je ne sais pas ce qui me définit. Est-ce les gens qui me portent, l'apparence me comporte et les choses qui me motivent? Chaque masque que je porte, comment je me comporte et ce qui me caractérise? L'appartenance à mes racines ou ma famille, mes cultures, les projets que je concrétise ou bien mon passé, mon futur. Qu'est-ce qui rend ma vie unique? Qu'est-ce qui prouve que j'existe? Laisse la religion, la logique, réponds juste à qui suis-je? Quelqu'un de perfectionniste ou bien tragico-romantique? Cette personne toujours triste que je fais ressentir dans mon disque. Quelquefois je m'isole, je pense à la mort, cette partie incomprise. Une histoire que j'évoque, une âme dans un corps, un moral que j'aiguise. Yeah. Yes. Waouh. Tu nous as fait cogiter, frère. Aïe, ouais. On t'écoutait attentivement, ouais. Franchement bien. Bravo, Roms. C'était captivant, très clair, bien articulé. Merci beaucoup, mec. Ah. Et bah bravo à toi, Roms. Petite dédicace, on peut te retrouver sur le net, vas-y balance les adresses. Ouais, vas-y, je fais une petite dédicace. Moi déjà dédicace à mes potos, Samir, Samy, gars qui m'écoutent, on est là. Dédicace à JCam Prod qui me soutient depuis La Réunion, parce que voilà, on vient de là-bas, c'est ma terre, La Réunion 974. La Réunion, elle est là. La Réunion, elle est là, mon gars. Ouais, mon gars. Comment elle est, après, la Réunion? Après, voilà. Après, pour me suivre sur le net, Twitter, 974, ROMS, ensuite sur YouTube, ROMS 974, il y a les clips, il y a les freestyles, et sur Facebook, ROMS Romain. Donc voilà, hein, dédicace à tous ceux qui m'écoutent depuis le début. Maître Gims, on a écouté l'album, très lourd. Merci. Voilà. Beaucoup, c'est sur mon Spotify, on l'écoute en boucle tous les matins. Ah, ça fait plaisir. Dans le RER, on est là et voilà, il n'y a pas de souci. Bah, merci à toi, Roms, en tout cas. Voilà, on est là. Gros big up, les gars. Merci. Une grosse dédicace au 974, grosse justement, dédicace. Avec Roms à l'instant, dans le Planète Rap, consacré à Maître Gims, avec la Juna Family ce soir au micro. Ouais. Entre 20h et 21h, est-ce que l'un des membres de la Juna peut sortir un dossier sur Gims? Moi j'ai un dossier, moi. Ah, j'étais sûr qu'en titillant X Gangs, on allait. Alors attention, sortie. C'est, chelou, c'est l'heure des dossiers, Gims. Après tu pourras sortir un dossier sur l'un des membres. C'est le jeu. Moi j'ai un dossier. Une fois il m'a suivi sur un terrain, on était sur de l'herbe. On s'amusait à faire des sauts périlleux. Ouais, parce que lui, il aimait bien me suivre dans les trucs. C'est vrai qu'ils sont, ninjas, je rappelle qu'ils sont très forts en sauts périlleux. Gims, c'est X, c'est des ninjas. Hein. On était à fond dans la capoeira, dans tout ce qui était Galibet, Yamakasi, tout ça. C'est-à-dire, bien avant tout ça, c'est-à-dire, nous, on était dedans, on faisait des sauts périlleux. Et à chaque fois, je lui tenais le pied et tout, je le balançais en arrière et tout pour qu'il puisse faire la roue en arrière et tout. Et une fois, je lui ai dit non, maintenant, il faut que, tu vois. Tu fonces toi-même, tu te jettes. Il me disait, ouais, mais quand je me jette et tout, je vois pas derrière. Je dis justement la technique, il faut pas regarder, jette-toi. Eh gros, il s'est jeté. J'imagine la suite. Mais rigole pas. Il s'est jeté. Mais le mec, il a jamais décollé en fait. Lui, pour lui, il avait décollé. Hein. Mais non. Eh, une autruche, la tête, elle est restée coincée. Très bon dossier. Ah, il est bon. La tête, elle est restée coincée sous terre. Mais c'est vrai que c'est, ça, c'est ce côté casse-cou. Parce que qui racontait ça? C'était pas Black M ou t'allais devant le lycée de qui là? Ouais. Masca, non? Ouais, lycée de Masca. Lycée de Masca, ouais, c'est ça. Où tu faisais des sauts périlleux. T'avais besoin de t'exprimer là-dedans, quoi. Ouais, grave, je sais pas. Je voulais prouver, impressionner les gens. Non, on était des ninjas, on est toujours dangereux, toujours. D'ailleurs, nous allons faire maintenant, nous allons retenter cette figure. Mets-toi debout. Nous allons retenter cette figure. Gims, tu es prêt? Je suis prêt, c'est sur le morceau qu'on va écouter maintenant. Bon courage. On avait choisi quoi là? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ouais. Allez, c'est parti sur Skyrock. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. J'ai vu ma ville grandir, puis se diviser en deux parties. Hasta luego, hasta luego. Je vais prendre aux dirigeants pour rendre aux indigents. Hasta luego, hasta luego. Je veux redonner le sourire et l'espoir à ces gens. Tout ce manège, manège, me rend dingue, dingue. Tout ce manège, manège, me rend dingue, dingue. Tout ce manège, manège, me rend dingue, dingue. Et se répète sans fin. Hasta luego. Trouver la sortie, je voulais disparaître comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. J'ai dû m'en aller comme le temps, insouciant, solitaire. Hasta luego, hasta luego. Comme un cavalier solitaire. Hasta luego, hasta luego. Comme une ombre dans la nuit. J'ai dû m'en aller, j'ai dû m'en aller comme un cavalier solitaire. L'instant, c'est extrêmement cœur avait raison. Hasta luego sur Skyrock entre 20h et 21h avec Maître Gims. C'est la Juna Family. Yeah. On le rappelle, il y a un projet qui se prépare pour la Juna Family. Ouais, un projet qui se prépare d'ici 2016, tranquille. Qu'est-ce que vous avez envie d'aborder sur cet album? Est-ce qu'il y a des thèmes précis ou ce sera plutôt un truc assez léger? Non, je pense qu'il y aura tout. Un peu tout, ouais. Ouais, des thèmes profonds, des trucs un peu plus légers. Bien sûr, il y aura tout, je pense. Ça, vous avez commencé à réfléchir un petit peu là-dessus? Ouais, on est déjà dedans. La Juna Family qu'on va retrouver aussi en tournée avec moi, pour le Warren autour, pour certaines dates. Ouais. Parce qu'en même temps, voilà, tous aussi grandir ensemble, et ça doit pouvoir, au niveau écriture, ça doit pouvoir développer certaines choses. Moi, j'en parle, j'en ai pas parlé, j'ai mon bouquin qui sort là. Ouais, qui s'appelle Vise le soleil. Vise le soleil, ouais. Vise le soleil juste pour vexer la lune, qui arrive le 14 octobre. où je parle un peu, bah, je raconte ma vie, donc forcément je le parle parcours, de mes frères, ouais, de tout le monde. Ouais. Mmh. Bouquin mmh. super intéressant. Donc un bouquin où on pourra savoir plein de choses. Exact. Savoir plein de choses disponibles partout à partir de des choses, des choses, octobre, des choses intimes. Ouais. Des dossiers. des dossiers. Des dossiers, ouais. Là-dedans, il y a des dossiers. Ouais. Ouais. Eh ben, en attendant, on profite de vous ce soir dans l'émission entre 20h et 21h. Quel regard justement à toute la famille, le reste de la famille qui fait pas de musique, autour de vous quand ils vous regardent? Mes sœurs, elles sont très, tu vois, elles sont très fières. Ma ouais, mère, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. On est tellement. Les frangines de la musique, non? Non, elles chantent bien pourtant, mais non, elles sont pas intéressées. Ouais, une sœur qui chante très bien, mais bon, elle est pas. C'est pas, ouais, voilà, pour les filles chez nous, non, c'est pas son truc. Mais elles supportent, elles sont là, elles suivent les frères, elles nous suivent. Game chez nous, la famille, tout le monde est très très fier de lui. Mmh. Il le sait, on est tous derrière lui, on est très contents. C'est quelque chose d'énorme qui lui arrive, tu vois, on peut même pas l'expliquer. Donc c'est, on continue, on vit, on suit. On suit, ouais, ouais, on suit, quoi, tout simplement. C'est l'élu. L'élu, voilà. L'élu. L'élu. Oh, putain, il est choisi, c'est mec, l'élu. Hein. La pression de Néo. La pression de Néo, il a mis sur ses épaules, Miskin. Oh, c'est Néo. Oh putain, la pression d'un seul coup. Donc, non, c'est l'élu. Donc on le suit, on est là, on le supporte et franchement, on est très très fiers encore de lui. Très content pour cet album. Est-ce que pour certains d'entre vous, alors Belgique, oui, on sait X-Gangs aussi, est-ce qu'on peut entendre des morceaux qui vont arriver entre temps avant le projet de Juna oui, Family? Moi, écoute, moi j'ai un morceau qui va arriver très bientôt là. Ouais. Si tout se passe bien, vendredi, je pourrais venir présenter mon nouveau titre. Donc dès demain. Oui, de demain. Demain. C'est quoi, demain. Si tout est ok. Ouais. Okay. Et moi, ça sera relayé de toute façon sur les réseaux sociaux, Facebook, Maître Gims, voilà. Instagram, Snapchat. Donc, allez suivre. 5. Allez suivre Jellas sur Jellas officiel. Ouais. Et puis le morceau s'appellera Posé. Posé. Donc Posé. Posé. Voilà. Posé. On est posé. Au calme, on est posé. Posé. On est posé. Et tiens, ouais, un petit mot des réseaux sociaux pour vous suivre. Donc Jellas, comment Jellas officiel, c'est DJELA2S. Mmh. Jellas officiel, vous pouvez me suivre sur Jellas officiel. Sur Instagram, c'est Sati, S-A-T-Y, Jellas. C'est pour brouiller les pistes. Voilà, Sati Jellas. Et sur Facebook, Sati Jellas. Ou Snapchat, Sati-Jellas. Ah oui, t'as tout. Ah, il y a beaucoup de réseaux maintenant. X-Gangs, ton nom. Moi sur Facebook, X-Gangs, MM Soldier, tout court. Et sur Insta, X-Gangs, MM Soldier, tout court. Belgique. Moi, c'est partout, Belgique 93, partout. Ouais, partout. Partout. Ouais. Snap, tout, tout, tout. Prendre la tête. Voilà. Et puis, le petit dernier astronaute, on peut le retrouver aussi, ou pas? Bien sûr. On peut le retrouver, parce que lui, il doit être réseau sociaux. Fresh, lui, il est feu. Fresh Prince, 93. Fresh Prince, 93 R. Fresh Prince, Fresh Prince. Et Dadju, pareil, Dadju, tout le monde le connaît. Dadju, ouais, voilà, on a pas besoin. C'est Zoshin Sekai. Zoshin Sekai, pour l'instant. Pour aller suivre. On finit avec Sapé comme jamais, Sapé, messieurs, comme parce que là je crois qu'il est grand temps de s'ambiancer maintenant. On va s'ambiancer. Comme avec... jamais de la Moukili. Jamais de la vie. Avec Niska, c'est parti maintenant sur Skyrock. Sapé comme jamais, des jamais. Sapé comme jamais de la Hayat. Sapé comme jamais, des jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guigolambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs sapés en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs sapés en bas les mains. Bas les mains. Ça roule ouais, façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Apprécie mon parcours. Hende Katako, sale petit coquin, les cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos, pour deux crocos sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, Maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé. L'Embilaso focalisé. Sapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Le Bouzano et Hermès. Lui vite ton sac, je fais la recette. Passe avant minuit. MCR dans les pattes. Je vais te faire vivre un dream. Disque de diamant. en moins de 5 mois. Piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent tels. Le record est battu. C'était de bang. Sana Braza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Dani Saint-Péo, Medjik na Darcyé, Bilou na Demdemo, Abou de Beng, Abou de Beng, Magi wanna know, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais, y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco na Chanel, Coco na Chanel. DJ Last One. Monsieur de Beng qui est arrivé juste pour je la chorégraphie. Je suis arrivé juste au moment de la choré. Pile poil. Écoute, je tiens à dire un truc. Comment ça va déjà? Ton tournée l'a stoppé. Le public moi... attend encore. Pour moi, ça va très bien. Franchement, je sors du studio, je suis là. On m'a appelé, je suis en retard. Je m'excuse. Oui, bah... Je m'excuse auprès de vous, de Gims, de la France entière. Mais vraiment, vraiment, je tiens à dire un truc. Gims, il fait tout le temps du lourd. Oui, d'accord, il est fort, il travaille. Mais là, ce qu'il a fait avec ce son et avec Niska, c'est incroyable. Je t'ai dit, moi, je sors, j'organise des soirées, je fais des trucs. Mardi, le son dans la soirée, tu sais, on l'a passé combien de fois? Non. 9 fois. Dans une seule soirée? Dans une seule soirée. Et les gens, ils ont redemandé encore. 9 fois, les gens, ils redemandaient. Mais c'est Niggas in Paris, quoi. La semaine c'est comme... prochaine, je le passe 15 fois. 15 fois, je te promets. Où ça? 15 fois. Où ça? T'inquiète pas. Ça sera dit sur les réseaux sociaux. Ah non, il y aura les vidéos. C'est des soirées tout. Privées, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, de Beng, je savais pas que c'était. Non, c'était sur les Champs, c'était au Beau Club. C'était sur les Champs-Élysées, dans ces trucs prestigieux, mon gars, dans ce genre de choses, ce genre d'endroit. Et franchement, bravo. Hein. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est un morceau incroyable avec Niska, celui-ci s'appelle comme jamais. Je comprends pas. Je comprends comme Jaja. Non, en tout cas, bravo à lui. Merci à toute la France de ce soutien parce que voilà, c'est le frérot. Sa réussite, c'est la nôtre et on espère que ça va continuer. Merci. Eh bien, De Beng qui est arrivé. Non seulement il nous a régalé en chorégraphie. Il nous a régalé en chorégraphie et il a contribué, il a participé à ce projet aussi. C'est son projet aussi. Donc je remercie De Beng qui est passé, qui a fait le déplacement pour me voir ce soir. Pour donner de la force, comme d'habitude, comme à tous les projets, chaque projet. Ça, c'est des gens avec qui on a passé énormément de temps, avec qui on a grandi. Avec tout comme avec un saut, comme je disais, c'est la même équipe, c'est la même team. Ouais. C'est des gens qui ont suivi mon parcours et qui ont mis à porter leur pierre à l'édifice. Maintenant, j'ai envie de dire un petit peu comme NWA, à quand le film? À quand le film? À quand le à film, quand le film? Ouais, bah écoute, si Ridley Scott nous entend ou que Steven Spielberg nous entend, voilà. Ou Luc Besson. Ou Luc Besson. Oui. Ouais, Luc Besson. Le film arrivera sur grand écran. Le film arrivera. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'être passés. Merci à la Juna Family d'être passés ce soir aussi. Merci à Sky. Merci à tout le monde. Merci à vous pour cette semaine qui continue demain entre 20h et 21h. Tiens, en parlant de film aussi, il y a donc le film NWA qui arrive. Ouais, que je n'ai toujours pas vu. Qui est dément. Honte sur moi. Dément. Et dimanche, il y a Ice Cube. On fera un Planet Rap spécial à la place du HUS. Je vais aller le voir entre 20h et 21h avec Ice Cube en interview. Il nous parlera du film et de plein d'autres choses dimanche 20-21 sur Skyrock. À pas louper. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Première place de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Solène, du côté de Nancy, comment ça va Solène? Bonsoir, ça va et toi? Ça va Solène? Oui, ça va très bien. Tu connais Crosswald? Oui, je connais. Le parce plus, que... moi, c'est Maître Gims. Hein. Ah, d'accord, parce que sinon, j'avais un bon plan pizza à Crosswald qui fait Nancy, Crosswald, mais c'est, ça pourrait t'intéresser, Solène. Non, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, bah, je te présente Maître Gims, Solène. Ah, franchement, je suis trop contente de lui parler. Franchement, salut, Solène, merci. Salut, franchement, c'est quoi? Je suis fan de toi, j'ai ton album. Franchement, c'est une tuerie. Merci. Franchement, beaucoup. J'écoute tous les matins. C'est franchement un album de ouf. Et franchement, j'ai hâte de venir te voir. J'espère franchement que je vais pouvoir venir. Et bah, plaisir, Solène. C'est le moment ou jamais de crier stop. C'est parti. La tournée, le Warano Tour à pas louper à partir du 12 novembre. Et qui s'arrêtera le 8 décembre au Zénith de Nancy. Solène. Oui. Tu y seras, Solène. Ah yes. Tu y seras à Nancy le 8 décembre. Et Gims aussi, il y sera avec beaucoup de monde sur scène. Encore heureux qu'il sera là. Parce que j'y vais juste pour lui. Hein. C'est au Zénith de Nancy, t'as deux places, Solène, c'est pour toi. Ah, franchement, super, merci beaucoup. Franchement, super, c'est génial, c'est magnifique. Eh ben, on te fait des bisous, passe une bonne soirée, Solène. Un gros bisou à tout le monde. Et franchement, il y a mon petit frère aussi qui veut te faire un gros bisou, Gims. Alors, je te le fais de sa part, il s'appelle Nicolas. Il a 12 ans, il sera avec moi. Okay. Et franchement, il fait des gros bisous, il t'adore. Cool, franchement, c'est génial. Eh ben, merci. Nico et sa frangine au concert. Merci Solène, passe une bonne soirée. Bisous. Merci beaucoup, à vous aussi, gros bisous. A plus, ciao. Bon, bah, Warren au tour, ça va pas louper à partir du 12 novembre dans toute la France. Ouais. Les gens t'attendent. Et c'est vrai que c'est assez fou, hein. D'ailleurs, Solène qui disait, c'est un spectacle familial. Ouais, les gens viennent de tout. Peu importe l'âge, il y a plein de gens différents. Plein de gens différents, ils viennent de partout. C'est ouf. Et merci à vous, merci à la Juna Family. On attend donc le projet pour 2016. D'ici là, on vous retrouve sur le morceau Mayweather, on l'a écouté tout à l'heure. Ouais. Et demain, Gims, le retour ? Ouais, demain, le retour. Demain, entre 20h et 21h, pour conclure la semaine, le Planet Rap avec Maître Gims. Et là, on va retrouver D-Fool. C'est parti pour la Radio Libre. Mais oui, Fredo. C'est parti, merci Gims. Rendez-vous demain, 20h, 21h, pour la dernière de la semaine. C'est à pas louper. Nous, on arrive dans un instant sur Skyrock. C'est la Radio Libre qui arrive. Ouais. Radio Libre en direct. Et toute l'équipe est là. Très bien. Marie, Romano, Cédric. Bonsoir. Et en forme. Samy, Karim, Momo. Ouais. Bah écoutez, tout le monde est là. Vous aussi, vous appelez au 01 53 40 30 20. Faites péter le 41 759, le skyrock.fm. On aura les pompes à Bidias. Ça vous filer. Et on suivra le basket, Fredo, ce soir. Ah, très bien. Le basket, l'équipe de France. Allez, les Bleus. Le match démarre en même temps que la Radio Libre. C'est la Marseillaise actuellement. Oui, chantons. Main sur le cœur. La la la la la la la la. Et quand j'ai le fils et le compagnon, un citoyen. Allez, les Bleus. Vos bataillons. Bon, les Bleus du basket. Suivre contre Israël ce soir, c'est le match qu'on va suivre en direct sur Skyrock. 501 Arrêtez-le. Sion. Pom pom pom. Allez, on arrive. A tout de suite tout le monde, à demain Fred. Ciao. Radio Libre, on y va. Il les appelle dans toute la France.